ce deuxième sommet de la francophonie? Vous savez, le sommet de la francophonie, comme d'autres sommets, ressemble souvent à des grandes messes où on professe des grands principes qu'il va falloir accompagner par des actions. Et je pense qu'aujourd'hui, des principes ont été affirmés, notamment le principe de solidarité entre les pays francophones, les pays du Sud et les pays du Nord, sur le plan des enjeux comme le changement climatique, comme la crise financière internationale. Tous ces bons principes qui ont été annoncés méritent d'être suivis dans les prochains mois par des actes concrets. Aujourd'hui, il y a une crise financière qui pourrait avoir des conséquences sur les économies des pays africains, notamment sur le plan de l'aide publique au développement ou sur le prix des matières premières dont les pays africains sont producteurs. Est-ce que, au sortir de ce sommet, il va y avoir des décisions concrètes qui vont aider les pays africains ou les pays du Sud qui sont membres de la francophonie à passer le cap de cette crise financière? Est-ce que sur les enjeux tels que le changement climatique, où les pays du Sud n'ont pas les moyens de faire face aux conséquences du changement climatique, il y aura une solidarité francophone qui va se déclencher? C'est sur toutes ces questions qu'on attend le sommet. Des principes ont été posés, on a dit de bonnes choses, maintenant à l'ouverture. On attend de voir concrètement comment tout ça va se concrétiser, comment tout ça va se réaliser pour éviter que ce soit un sommet comme tout autre, un sommet où on va faire la grand-messe et se séparer. Vous êtes un journaliste africain et vous êtes basé en Occident. Dites-nous, quel est le regard que les Africains ou l'auditeur que vous servez, et qui, j'espère, est un auditoire peut-être africain ou peut-être vivant en Afrique ou vivant à l'extérieur du continent, quel est le regard qu'il porte par rapport à cette francophonie-là? Est-ce que pour eux, la francophonie a raison d'être? Ça devrait continuer à exister, des sommets comme ceux-ci, quand on peut imaginer qu'en fin de sommet, on connaît les résultats. Je crois que moi, je travaille pour une agence de presse qui est une agence africaine basée au Sénégal et qui a des correspondants dans tous les pays du monde. Notre public est essentiellement africain. Je ne vous surprendrai pas en disant que pour l'Africain moyen, la francophonie, c'est tout à fait théorique. Ça n'a pas d'impact sur son vécu quotidien, sur ce qu'il fait concrètement. C'est vrai qu'il y a quelques actions telles que le centre de lecture et d'animation, les CLAC, ou la formation des enseignants ou d'autres initiatives qui ont été prises sur la francophonie, qui ont été prises par la francophonie, mais ça n'a pas un réel impact aux yeux de la population. C'est pourquoi, à mon avis, il faut que la francophonie quitte les bureaux, quitte les grands bureaux, quitte les bonnes occasions pour se transporter sur le terrain, pour qu'elle puisse transformer la perception que les Africains ont d'elle. Pour l'instant, je crois, si je devais traduire le sentiment de mon auditoire, c'est que la francophonie ressemble à quelque chose de théorique. Il lui faudra, dans les prochaines années, il lui faudra changer de cap, il lui faudra aller sur le terrain, il lui faudra faire des actions concrètes qui lui donneraient une meilleure visibilité, qui lui donnerait un meilleur impact dans le vécu quotidien des citoyens. Et c'est ça qui pourrait améliorer sa perception. Aujourd'hui, si vous dites aux gens francophonie, les gens voient les sommets, les gens voient d'autres manifestations, un peu, des manifestations qui sont éloignées des réalités quotidiennes des gens. Ce que les gens veulent, c'est plutôt que la francophonie prenne des initiatives. Quand on sait par exemple qu'il y a un opérateur de la francophonie qui est l'Association internationale des maires francophones. Cette association fait des actes concrets en matière de lutte contre le sida, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'état civil dans des pays francophones. Mais ça n'a pas atteint la masse critique, ça n'a pas atteint un volume où ça peut transformer la perception que les gens ont de la francophonie. Je crois qu'il faudra prendre un peu sur l'argent qui est investi dans des grands événements pour mettre ça dans des projets concrets. Et ça pourrait aider plus la francophonie. Il y a Sonny Laboutansi, l'écrivain congolais, qui disait à une des émissions il y a quelques années avant qu'il ne décède que le français, pour lui, va mourir. Dites-nous, d'après vous, vous qui vous servez un auditoire africain, idée avez-vous de l'état de la langue du français? Parce que quand on parle de francophonie, il y a quand même la langue française même en Afrique. Je crois qu'il faut être honnête pour reconnaître que le français recule en Afrique. Le français recule dans beaucoup de parties du monde, y compris en Afrique. Et il y a eu un événement, une coïncidence, au moment où se réunissait ce sommet de la francophonie, le Rwanda a décidé de faire de l'anglais sa langue officielle. Et vous savez qu'un pays comme Madagascar est en train de devenir carrément un pays anglophone. Vous savez également qu'un pays comme la République démocratique du Congo est en train de devenir un pays anglophone du fait justement de ses relations avec le Rwanda, et l'anglais est en train de gagner du terrain. Donc de façon générale, il y a une difficulté, il y a un recul du français sur le continent africain. Mais comme l'ont dit d'autres personnes, le salut du français se trouve sans doute dans la valorisation des langues africaines aussi. Vous savez qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites pour montrer que l'enfant qui commence à apprendre dans sa langue maternelle, dans sa langue africaine, apprend beaucoup plus facilement et plus efficacement le français que l'enfant qui va directement à l'école sans apprendre sa langue maternelle. De mon point de vue, si on veut que le français continue à reculer en Afrique, à avancer plutôt en Afrique, il faudra non pas le mettre en concurrence avec les langues africaines, mais créer une sorte de complémentarité, que la francophonie aide à valoriser les langues africaines et que le français vienne en complément aux langues africaines, de sorte que les deux puissent cheminer ensemble. Ça pourrait servir la cause de la francophonie et ça pourrait faire avancer la francophonie dans les pays africains plutôt que dans la situation aujourd'hui où le français est en train de reculer par rapport à l'anglais. Du web. Et les Africains de la diaspora, donc qu'est-ce que vous voulez leur dire en fait? Parce que notre émission s'occupe et s'intéresse à un auditeur africain. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, vous qui êtes un homme de médias et qui vivez cet événement du deuxième sommet de la francophonie? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Moi, je crois que le message qu'on peut dire, c'est autant il faut placer beaucoup d'espoir dans des institutions comme la francophonie, autant il faut que les Africains de la diaspora prennent conscience que l'Afrique a besoin d'eux pour se construire. Ils ont une contribution peut-être même essentielle, sinon déterminante à apporter pour aider à la construction de l'Afrique. La construction de l'Afrique ne se fera que par les Africains où qu'ils se trouvent. Il faut que nous en soyons conscients. Les autres peuvent nous aider, ils peuvent accompagner nos efforts, mais c'est nous-mêmes qui allons construire le continent et c'est nous-mêmes qui devons prendre conscience de la part des responsabilités que nous avons. C'est toujours bien de penser à sa réussite personnelle, là où on est, que ce soit à Paris, que ce soit ici à Montréal ou dans d'autres villes du monde. Mais c'est beaucoup plus important d'avoir un idéal commun pour son continent, d'avoir un idéal commun pour son pays, de penser toujours, malgré l'éloignement, à là où on vient et de penser que là où on vient a besoin de soi et qu'on peut toujours apporter quelque chose. C'est par, comme disait Béhanzin, comme disait, je crois que c'est Guézo, le roi d'Abomey, qui disait d'Abomey, oui. Si chaque enfant venait par sa main apporter, si les enfants venaient par leur main assembler, boucher le trou de la jarre percée, le pays serait sauvé. Donc si tous les enfants de l'Afrique, qu'ils soient de la diaspora ou ceux qui vivent sur le continent, se mettaient ensemble, coordonnaient leurs efforts, je pense que quelque chose pourrait être fait pour le continent. Je ne pense pas que le fait que les intellectuels vivent en dehors du continent soit un problème. À mon avis, ils peuvent vivre là où ils sont, mais en sachant qu'ils doivent d'abord commencer par être utiles au continent avant d'être utiles à eux-mêmes.